Boum boum boum. Musique française. Des années 60 à 80. Boum boum. Musique française curieuse tous les mercredis soirs de 22h à 23h sur Prune 92 FM. Même pendant le confinement, on reste là avec Jonas en attendant que les studios de la radio réouvrent. On enregistre nos introductions depuis nos appartements et on demande à nos DJ invités de nous envoyer leur sélection par mail. L'invité de ce mercredi soir est un digger et DJ qui nous vient de Paris et qui s'appelle David Schufferbad. Je résume très rapidement son long parcours dans la musique. C'est à lui que l'on doit deux super podcasts, Belotage qui est diffusé sur Eferal Gang ainsi que Une Heure ça Choufi qui est diffusé sur Lille Radio. On s'est croisé plusieurs fois avec David Schufferbad cet été. L'idée de cette sélection française et francophone est née. Il nous a envoyé une sélection très belle et très douce. C'est notre 181e podcast pour Boum Bomo. David Schufferbad pour le contrôle des platines pour la prochaine heure. Bonne écoute, à la semaine prochaine. Depuis le temps que j'en ai marre de voir le monde qui tourne en rond, il faudra bien que je me barre. Peut-être bien, comme le dernier des cons, vous rigolez quand je vous dis que par dégoût ou rêve de fou, avant de bouffer mes pissenlits, je m'en irai planter mes choux que dans un coin de pauvre terre. J'irai bâtir une sorte de turne, peut-être pas belle, car trop grossière. Une petite maison taciturne. J'aurai un chien pour compagnon, fidèle de ce jardinier du silence que je deviendrai saison au rythme lent de leur patience. Et quand je dégueulerai ma vie avec mon chien, avec mon âme, j'irai chercher des chiennes. Je me paierai quelques femmes et peut-être bien que malgré tout, dans la rosée d'un beau matin, débarqueront dans mon petit trou des vieux de la vieille et des copains. Y a peut-être des potes qui se souviendront de ma sale tronche ou de mes poèmes. Ils viendront peut-être dans ma maison s'entendre dire que je les aime. Ils viendront peut-être dans ma maison s'entendre dire que je les aime. avec ton air de thermomètre. Thermomètre qui ressemble plus à un altimètre, comme dirait Archimède. Archimède, tu en oublies les grands principes pour faire de nouveaux condisciples. Tu fleuris sur le pavé comme la rose en été pour nourrir la bonne société. Te distraire de ta tristesse, de ta tristesse. Va donc compte tes fleurettes, à ton aubergine, concubine, concubine. Compte-lui tes ennuis d'argent et l'avarice des passants. Tu fleuris sur le pavé comme la rose en été pour nourrir la bonne société. Tu restes là sans broncher, sur le bord de la chaussée, tout aussi gris que l'hiver, sale comme un ver de terre. Tu es l'apanage des beaux quartiers. Tu fleuris sur le pavé, comme la rose en été, pour nourrir la bonne société. Tu es le nouveau rat des cités que l'on tient à protéger et en rang bien serré, tu restes là au garde à vous, mais si tu savais comme on s'en fout, tu fleuris sur le pavé qui contre toi peut se retourner et finir ta carrière de parkman, de parkman, de parkman. De Parkman, de tout petit Parkman. Cette chanson est purement imaginaire. Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou décédées ou à venir ne serait qu'une pure coïncidence. Les soirées devant la télé. Long silence obligé, chacun pour soi de son côté. On prend même plus le temps de se causer là dans le fauteuil ou sur le canapé. Pour l'amour on est fatigué, y'en a pour qui c'est une corvée. On reste comme des étrangers, comme s'il y avait quelque chose à se cacher, là dans le fauteuil au-dessus du canapé. Des inconnus dans la maison, on n'y prête guère attention. Heureusement que les enfants peuvent encore rêver. Comme des cons. Si je chante de cette façon, c'est pas pour chercher les raisons. C'est à vous de les trouver, de pas tomber dans le travers. Y'a plus rien à faire. Et pour se retrouver heureux, suffirait de changer si peu. Le reste viendra automatiquement si l'on veut bien prendre le temps loin du fauteuil et du canapé. L'été revient l'automne, au nouveau-né succès de l'homme. Si vous ne le voulez désemparer, apprenez-lui donc à aimer loin du fauteuil. canapé. La terre tourne, tourne. ce qui ne peut passer. Et cousin, ça coûte les hommes. Thank you. L'histoire se passe dans le nord de l'Inde. Un swami, un maître, se promène avec ses trois disciples dans le jardin somptueux de l'ashram de la communauté. Ils écoutent les oiseaux des Indes qui chantent dans les arbres des Indes. Ils entendent dans le lointain le cœur des moines bouddhistes qui répètent inlassablement le om traditionnel et pacificateur. Swami, le maître, se promène avec ses trois disciples dans le jardin somptueux de l'ashram de la communauté. Il regarde pousser les pissenlits, il regarde pousser les radis, il regarde pousser les salsifis. Il regarde les poires conférences qui poussent sur les poiriers conférences et les pommes golden delicious qui poussent sur les pommiers golden delicious et par terre les pommes de terre, les frites sauvages. Et tout à coup, il s'arrête devant un carré de salade et qu'est-ce qu'il voit ? Une limace vorace en train de dévorer une belle feuille de salade. Ce que voyant le premier disciple n'écoutant que son courage et avec la plante de son pied et d'un coup sec, écrase la limace. Le deuxième disciple se tourne alors vers le maître et lui dit dans une violente colère : Regardez, maître, ce qu'il vient de faire. Il vient d'écraser une créature de Dieu. N'est-ce pas un crime ? N'est-ce pas un péché ? Et le maître lui répond : Tu as raison, mon fils. Disciple se défend, il dit « Mais enfin, maître, si j'ai écrasé cette limace, ce gastéropode non encoquillé, c'est qu'il était en train de manger notre dîner. N'ai-je pas bien fait ? N'ai-je pas eu raison ?» Et le maître lui répond « Tu as eu raison, mon fils. » Là n'avait rien dit, se tourne alors vers le maître et lui dit « Mais enfin, maître, ils disent tous les deux quelque chose de contradictoire. Ils ne peuvent pas avoir tous les deux raison. Ai-je raison ?» Et le maître lui répond « Tu as raison, mon fils. » Thank you. la femme en bleu d'Henri Matisse. L'oiseau du rêve aère mon œil de son aile. Et tout en bas, les moutons belles, foutaises fifrelins, des faiseurs de fric. Tiffany frémit comme un pâle moineau le matin. Le soleil l'efface et l'invente en chemin. Et moi, l'halluciné poème femelle effleuré, j'erre de son regard à ses jambes lasses. Et moi, poème suicidé d'un rocher solitaire, Tiffany, ses fesses me sourient dans l'eau bleue d'une piscine, dans les blanches ruines au bas d'une falaise, dans l'eau chevaline d'un torrent. Tiffany, regarde cette peinture sur soi, avec la soie de ton regard, et ne me réveille pas. La toile de Matisse caresse là le bleu des silhouettes au cercle polaire. Tiffany me caresse comme je caresse son ourlet, un peu le vent de silence de qui je tiens ma naissance, un peu le vent de silence de qui je tiens ma naissance. La femme en bleu d'Henri Matisse. L'oiseau du rêve aère mon œil de son aile. Et tout en bas, les moutons belles, foutaises fifrelins, des faiseurs de fric. Thank you. de l'eau des mains. Elle s'en va, elle s'en va. Et il pleut de l'eau d'ambre, de l'eau de santal, de l'eau de miel, de l'eau de cristal, de l'eau de douceur, de l'eau de candeur, de l'eau bleue, il pleut de l'eau d'ange. De l'eau d'aube, de l'eau de fruits, il pleut de l'eau belle, il pleut de l'eau d'elle. Car il pleut de l'eau d'ail, de l'eau de grisaille, de l'eau de fiel. De l'eau de broussaille, de l'eau de chez moi, de l'eau de sang-froid, de l'eau d'homme, de l'eau de félon, de l'eau de prélat, l'eau qui fait peur, l'eau qui fait froid. Il pleut de l'eau noire, de l'eau de César, de l'eau d'homme, de l'eau de métaux, de l'eau de mélange, de l'eau d'acier, de l'eau de mésar, de l'eau de frisson, de l'eau de dégoût, de l'eau qui détruit. La paix qui s'enfuit. Thank you. hexagone. Ici où saoule, ici où saoule. L'état d'une hexagone qui tourne les jars des tricolores. Tous tant blanc, tous tant blanc, tous tant rouge. Mais ça pose une bataille sans pousse. Soulette, soulette, soulette sur négrette la nuit. C'est vagaille, c'est vagaille, l'oubé au tempi tu non. C'est vagaille, l'ou l'aïs espace capa. Y'aura tout, tu une main, pour prendre la tille ou non. Y'aura tout, tu une oustan, à la porte d'Orbidon. Maï soulette, soulette, soulette si. Soulette du loupon, soulette, soulette, soulette sur négrette la nuit. C'est vagaille, loupé au tempi tchouno. C'est vagaille, loulaï s'espace capa. Y'aura tout, tchou, une fouet, per bagnate et labre. Y'aura tout. Soulette, soulette, soulette si, soulette du loupon. Soulette, soulette, soulette si, négrette la nuit. Tu vois, petit, ce que je vais te dire, c'est comme une rencontre. Ça n'a que l'importance que tu donnes, elle te marque et tu la retiens, elle te laisse indifférent et tu l'oublies. Toi, petit, ce que je vais te dire, c'est que la vie, celle que tu te feras, pour moi, elle commence dans ma tête par un bout de chiffon, de la ficelle à cadeau, une balle de la rue qui va et vient dans la cour de l'école et qui fait que les récréations, elles sont trop petites. On la tripote la balle et un jour, elle te colle au pied et elle s'endort dans ton cartable. Toi, petit, ce que je vais te dire, c'est comme ça la passion. Elle t'envahit quand t'es petit et elle te lâche plus. C'est la maîtresse de ton cœur et c'est le rêve de ton corps. Tu sais, le cœur et la carcasse, petit, c'est les deux choses les plus importantes chez un homme. Tu vois, petit, ce que je vais te dire, c'est que de balles de chiffon en balles de tennis, de ballon en caoutchouc en ballon à lacets, du rond de cuir marron en ballon à panneau blanc, j'ai fait mon temps, j'ai donné tout mon temps. J'ai pas dit que j'ai donné ma vie, elle est encore devant moi ma vie. Car quand tu aimes ce que tu fais petit, tu espères encore plus. La vérité, c'est que le jeu des hommes chez moi, c'est celui de l'équipe, celui du football. Le football petit, c'est quand tu croques la chance ou que tu mords la poussière. C'est quand tu cries ta joie ou que tu te ramasses les pâquerettes. Le football, ça a l'intelligence du jeu que tu peux pas jouer sans les autres. Tu construis ton équipe, tu te la modèles. Et tu regarderas après si tu t'es pas trompé. Ça tient debout, ça s'écroule. Et même quand ça s'écroule dans la défaite, t'as de l'espoir et de la révolte pour reconstruire sans que ce soit contre les autres. Tu vois, petit, ce que je vais te dire, personne te le dira, car moi, je connais le secret des jours gris, ce où t'as 25 ans et que tu te dis, car tu as déjà la juste valeur des choses, je ne serai jamais un grand footballeur, je n'ai jamais eu le caractère d'être moyen. On roule pas des mécaniques quand on connaît ses limites, c'est pas de la modestie, ça pencherait plutôt vers de l'intelligence. Tu vois, petit, ce que je vais te dire, c'est que le football, c'est deux syllabes qui tournent dans ma tête. Je marque pas de but, je m'embrouille les jambes. Je suis pas beau à avoir joué, mais ça t'empêche pas de jouer. Quand t'es pas beau, ça t'empêche pas d'aimer. Et c'est là que j'ai compris que je serai le serviteur et que je serai pas le servi. Je serai le dévoué un peu fou de ma passion. Tu vois, petit, ce que je vais te dire, c'est comme ça qu'on devient dirigeant. Je n'aime pas ce mot. Il fait chef, il fait celui qui a raison. Il fait je parle, écoutez j'ai raison. Il fait moi j'ai dit et j'ai toujours raison. Il fait je suis le père et faites attention. Je n'aime pas ce mot. Il a l'égocentrisme des gens qui passent de sensible à susceptible. Je n'aime pas ce mot. Je deviens participant. Alors petit, mes belles années. Elles sont jeunes comme celles du fou chantant. Elles sont folles comme les courses à travers le monde. Elles commencent ici et ne s'arrêteront jamais. Je suis un responsable, celui de mon choix. Je n'ai de compte ni à donner ni à rendre. Et moi je veux vieillir. Car si je veux vieillir, c'est pour savoir si j'avais raison. Je n'ai jamais dit j'ai raison, mais je crois avoir raison. Tu sais, petit, ce que je vais te dire, c'est que j'ai voyagé de pays en oiseaux rares. J'ai transformé ma vie et celle de ma compagne en chercheur au pied d'or. De Nice à Buenos Aires, de Belgrade à Fort-de-France, j'ai vu des hommes, je les ai découverts, regardés, épiés, compris. Je leur ai donné mon enthousiasme, ma foi, la réussite, c'est eux qui l'ont gagné. Je les ai vus s'armer, se préparer, s'entraîner, se blesser, douter. Je les ai vus changer, mûrir, vieillir, partir. J'ai vu des hommes, les noms tu les connais, se surpasser dans leur métier. Et c'est pour ça que je les ai aimés. Tu sais, petit, ce que je vais te dire, c'est que les stars, ce sont pas des gens rares. Si tu n'es pas né star, tu ne deviens pas star. C'est comme les snobs, ils ne se forcent pas à lever le petit doigt en buvant leur thé. Je parle des vrais, le faux, tu sais. Moi, ça m'a toujours ennuyé. Star, c'est comme un être riche. À toi de ne pas te laisser dévorer. Et ce petit que j'avais choisi, ils m'ont donné raison car je leur avais fait confiance. Les boucles du bouquin, le regard perçant du gardien, mon copain l'argentin, le félin des Antilles, jamais je ne dirai je suis leur père. Mais pour moi, petit, ce sont comme mes fils. Tu sais, petit, ce que je vais te dire, c'est que le jeu, il est là. Il est installé dans mes veines. Il est comme une folie qui me prend tout. Il reste pour moi comme une interrogation. Il a l'incertitude des choses de la vie. Il est un sacerdoce, je suis le pèlerin. Mais ce jeu petit, c'est lui qui fait courir des millions d'hommes. C'est la passion qui les fait se rassembler. Mais c'est aussi l'enjeu qui les fait se battre pour ne pas approcher la défaite. Alors que petit, pour moi, il n'y a pas de défaite quand tu as tout entrepris pour ne pas la côtoyer. Si tu acceptes de jouer petit, pense que tu peux perdre, qu'il y a plus fort que toi quelque part sur la terre. Elle ne vient pas souvent d'un homme à la défaite, mais elle vient aussi du sort. T'as la chance ou elle te tourne le dos, petit. C'est le poteau qui renvoie la victoire, la motte de terre qui te fait taper le vide. C'est le mur qui se déplace et le public qui siffle. La défaite, c'est la pluie, c'est quand tu comptes tes amis. C'est quand t'es fatigué sans avoir bien joué. C'est la tristesse quand tu rentres chez toi sans avoir quelqu'un pour te comprendre. C'est ta maison qui dort et toi qui ne peux pas. Et elle ne te quittera pas la défaite. Elle est en toi. Elle ne se partage pas. Tu vois, petit, ce que je vais te dire, c'est que demain c'est lundi, j'aurai pas beaucoup dormi en roulant vers le stade. Je me dirais, t'es con, tu veux gagner toujours. Personne n'est au sommet, et les autres, à quoi ils serviraient? Ceux qui font tant d'efforts pour te ressembler, faut pas les ignorer. Laisse passer, qu'ils soient gris, qu'ils soient bleus. Le temps me reste à faire. La prochaine, elle est encore plus belle. C'est la victoire dont je te parle. On s'entraîne, on tactique, on répète. Les artistes, ça répète. Les gens intelligents, ça apprend. C'est petit, ce que je vais te dire, c'est que la victoire, c'est souvent le crédit des idiots. C'est comme si d'un seul coup t'étais intelligent. Mais petit, la victoire, il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares à la recevoir. C'est digne, la victoire. C'est digne, c'est pas hurrah. Quand tu gagnes, tu deviens beau dans ta peau et méprisable. Tu deviens capricieux et détestable. Tu dois pas t'installer dans ta victoire, c'est pas un fauteuil, c'est le jeu du funambule, l'équilibre est instable. Si elle est ta récompense, petit, prends-la vite, c'est déjà du passé. Tu vois, petit, la victoire, c'est l'horizon, l'infini, l'impalpable. Elle doit te sublimer, elle est brûlante, la victoire. Mais il faut que tu l'oublies aussi, petit, pour en avoir une autre. N'oublie pas, petit, que la victoire, c'est quand même la défaite des autres. Voilà, petit, ce que je voulais te dire. Je roule depuis tout à l'heure avec toi, à 40 à l'heure, même un peu dépassé. C'est une bonne moyenne pour les succès que je m'étais tracé, vers la beauté de 22 guerriers sur la pelouse verte de mes jeunes années. Je veux, petit, qu'un jour, tu laisses un peu tomber la gloire qui te ferait choisir peut-être ce que tu n'aimes pas. Moi, j'étais fait pour ça, pour ce sport qu'on dit roi. Je veux le croire encore. Football, enlève un peu ton masque. Allez, football, qui te fait ressembler à une publicité. Football, enlève un peu ton masque, car moi, je voudrais t'embrasser. Voilà, petit, ce que je voulais te dire. T'as compris, petit ? Va, va, petit. À toi de jouer. Découle l'envie de rentrer.